sont aussi atteints du virus. C'est pas des putes ou des junk, mais c'est toujours ça en plus. La mentale du terrain, la mentale du terrain, c'est la mentale du terrain.